Ndikomanyanga. Albert Ndouaïe de l'autre côté de la vitrine, bienvenue à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. L'armée burundaise rejette la demande de le sommet de 1041 militaires pour la stabilisation de la Somalie, indique que le Burundi ne participera pas sans que l'on accepte deux bataillons, explique le porte-parole de la FDN, général de brigade Gaspard Bartouza. Toutes les candidatures du Parti Congrès National pour la Liberté et celles de la coalition des partis politiques Burundi-Gabose pour les élections de députés de 2025 ont été rejetées par la Commission électorale nationale indépendante. La violation du code électoral en ce qui est notamment du respect des équilibres ethniques et genre étant l'une des raisons qui ont motivé cette décision. Une enveloppe de 997 millions a été débloquée et donnée aux techniculteurs des communes Kabarore et Muruta depuis ce lundi comme prime sur la production du thé vendu au complexe technique de Guigura. Certains de ces techniculteurs disent qu'ils sont beaucoup intéressés malgré qu'il y a ceux qui ont déraciné leur plantation technique. Bienvenue à cette actualité. La radio de l'avenir. Toutes les candidatures du Parti Congrès National pour la Liberté et celles de la coalition des partis politiques Burundi-Gabose pour les élections des députés de 2025 ont été rejetées par la Commission électorale nationale indépendante. Cela ressort de la signification adressée aux acteurs politiques ce mardi 31 décembre 2024. Dans cette correspondance, la raison avancée est la violation du code électoral en ce qui est notamment du respect des équilibres ethniques et genre, ainsi que la qualité de certains candidats inscrits sur la liste des candidats députés. Jean de Dieu Ilakose revient sur le contenu de cette signification de la CENI. Comme le révèle la signification de la Commission électorale nationale indépendante CENI, toutes les candidatures du Parti Congrès national pour la liberté ont été rejetées dans les cinq provinces élargies de même que celles de la coalition Burundi-Bugabo-Ose. Dont cette correspondance portant signification de l'acceptation ou du rejet des dossiers de candidature, il est rapporté que le Parti Congrès national pour la liberté n'a pas respecté les équilibres ethniques et genre conformément à l'article 108 en son alinéa premier. D'autre part, cette correspondance montre que la coalition Burundi-Bugabo-Ose n'a pas respecté l'article 112 du code électoral qui concerne les incompatibilités pour les députés en exercice et l'article 7 de la loi régissant les partis politiques pour avoir inscrit les membres du Parti Congrès National pour la Liberté, non membres de la dite coalition, sur les listes des candidats députés dont le député Agathon Gwasa. Dans le cas de rejet de candidature, le recours est porté devant la Cour constitutionnelle qui a 8 jours pour statuer. Le requérant le fait en déant 48 heures suivant la signification de la décision de rejet, comme le stipule l'article 132 du Code électoral. Merci à Jean Dodu la cause pour tous ces détails. La coalition Burundi-Gabose estime que le motif avancé par la CENI pour rejeter les listes de leur candidature pour les élections des députés n'est pas fondée. Kefani Bidi, secrétaire général et porte-parole de cette coalition, affirme qu'ils ont bien respecté les articles 112 du Code électoral et l'article 7 de la loi sur les partis politiques. En constituant la liste, il indique qu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour être rétablis dans leurs droits. Suivez-le. La CENI a rejeté toutes les listes que nous avons déposées et pour l'initiative de 2025, ils ont donné comme motif que nous avons mis sur nos listes des députés qui sont discernaires à se baser sur l'article 7 de la loi sur les partis politiques, de l'article 112 du code électoral et par voie de conséquence, ils ont même cité les noms de ces députés que nous avions mis sur nos listes. En tout cas, quand nous avons constitué les listes, nous avons effectivement lu le code électoral ainsi que la loi sur les partis politiques. Mais à notre entendement, nous avons vu que notre interprétation a différé avec celle de la CENI. C'est pour cette raison que la CENI a pris des décisions auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, après avoir constaté cette décision, les partis politiques qui constituent la coalition Burundi-Bugabo se sont réunis pour analyser les contours et nous avons décidé que il qu'il faut faire recours auprès de la Cour constitutionnelle pour faire nos vies et considérations sur les décisions de la CENI afin que la Cour constitutionnelle puisse nous rétablir dans nos droits. Donc là, vous allez nous excuser comme il s'agit d'une affaire encore pendant devant la justice. On ne va pas donner les détails de nos argumentaires concernant la décision de la CENI. Nous attendrons toujours le sort qui sera réservé à notre recours pour donner les détails concernant la situation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Burundi ne participera pas dans la nouvelle mission de la stabilisation de la Somalie au sommet que lorsque ses troupes seront d'au moins de 2 bataillons, c'est-à-dire à 2500 militaires, explique le porte-parole de la Force de Défense Nationale, FDNB. C'est au moment où il a été demandé au Burundi de ne fournir que 1041 militaires. Le général de brigade Gaspard Baratouza informe que Gitega a adressé une correspondance à l'Union africaine sur cette participation, mais que cette organisation n'a pas encore répondu, malgré la correspondance du ministre somalien de la Défense. La non-participation de la FDNB à le sommet, seule la réponse de l'Union africaine est attendue. Suivez-le au micro de Mary Kanyang. Le déploiement des forces jusqu'à aujourd'hui émanait du mémorandum d'entente qui était signé entre l'Union africaine et le Burundi. Il en est de même pour tous les pays contributeurs de troupes. Nous n'avons pas de coopération bilatérale en matière de défense avec le pays hôte qu'est la Somalie. Alors, s'il advenait que l'Union africaine ne réponde pas, on va prendre en compte cette lettre. Même aussi, s'il advenait que l'Union africaine réponde, on va voir le consensus entre l'Union africaine et la Somalie. Ce que va fournir, et on sauvera la position. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de position officielle changeant le mémorandum qui avait été signé entre l'Union africaine et le Burundi en ce qui concerne l'engagement de nos militaires dans la mission de maintien de la paix en Somalie. Si l'Union africaine répondait par la positive, alors que le ministère somalien de la Défense a donné sa position sur la non-participation des militaires burundais, que sera la position ou la réaction de la FDNB du Burundi? Je tiens à signaler que la Somalie n'a pas dit que le Burundi ne participera pas dans la mission. Plutôt, la position de la Somalie était pour que le Burundi participe dans la mission avec un effectif inférieur à notre demande. Et notre pays a dit, le Burundi, les autorités hiérarchiques, considéra la situation sécuritaire qui prévaut avec le matériel et les troupes, a dit, moins de 2 bataillons, on ne peut pas. Sinon, les autorités somaliennes ne s'opposent pas au déploiement des forces burundaises. Mais le consensus ne s'est pas soldé sur l'effectif à envoyer. Nous, on garde beaucoup de choses, entre autres la sécurité, que ce soit de nos militaires, que ce soit de nos matériels, mais aussi le travail à faire. Et raison pour laquelle on ne s'est pas entendu sur l'effectif à déployer, sinon la position de la Somalie, ce n'est pas que le Burundi ne participe pas. Le consensus sur l'effectif, c'est ça qui n'est pas là. Si l'Union africaine parvient à convaincre la Somalie pour déployer au moins 2 bataillons, le Burundi répondra très positif. Si la position reste moins de 2 bataillons, le Burundi ne fournira pas. Moins de 2 bataillons, le Burundi ne fournira pas de troupes. Que perd le Burundi en ne fournissant pas de troupes contributrices au maintien de la paix en Somalie? Et le Burundi a déjà gagné beaucoup de choses depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, des 7 ans, en fournissant la sécurité dans un pays qui est devenu pays ami, plus que jamais. C'est un gain très important. Au niveau de la perte, je crois que c'est minime. Il n'y aura pas de perte parce que si nos militaires regagnent le pays natal après l'accomplissement de la mission, on dira bravo, mission réussie. Et on sera très content. Parce que là-bas, en déployant depuis 2007, il y a des vies humaines qui ont été laissées là-bas, le matériel, on n'en parle pas. S'il a devenu qu'on mette fin à la mission, en tout cas, et honnêtement, et dignement, on dira mission accomplie. C'était le général de brigade Gaspard Baratouza, porte-parole de la FDNB. Une enveloppe de 997 millions a été débloquée et donnée aux téticulteurs des communes Kamarore et Muruta depuis ce lundi comme prime sur la production du thé vendu au complexe agricole de Guigura. Certains de ces téticulteurs disent qu'ils sont beaucoup intéressés et trouvent que le nombre de téticulteurs qui détruisent leurs plantations agricoles diminueront certes. La semaine passée, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage avait exhorté que ces primes soient rendues aux agriculteurs avant la fin de leur courant. Toutefois, les agriculteurs réclament toujours la majoration du prix d'un kilogramme des feuilles vertes du thé, expliquant que l'entretien de cette culture industrielle leur coûte cher aussi. On les écoute dans ces propos recueillis par Patrick Saint-Guillaume. Comme l'on nous donne la prime, nous allons bien entretenir nos plantations de thé et nous aurons aussi à sensibiliser d'autres agriculteurs à bien le faire et comme ça pour avoir une bonne production de thé. Nous sommes satisfaits, ça nous réjouit beaucoup. Nous sommes contents. Nous avons d'ailleurs conseillé les agriculteurs à bien entretenir leur champ de thé et ces primes nous ont permis de bien célébrer la fête de Noël et celle de fin d'année. Nous nous en réjouissons beaucoup. Entretenons bien nos champs de thé au lieu de les détruire. Nous lutterons énergiquement contre les destructeurs des champs de thé. Nous les conseillons à bien entretenir les champs de thé. Ici à Guigura, cette culture nous est beaucoup bénéfique. Nous sommes satisfaits. On nous a donné la première tranche. On nous avait dit que la première tranche a été calculée à 70 francs le kilo et la deuxième tranche à 56 francs burundais. On nous donne la tranche calculée à 70 francs burundais et le reste, on nous promet de le faire ce mois de janvier. Si la promesse est tenue, cela nous réjouira davantage. Deux pêcheurs opérant à la plage de pêche de Rutumo, commune province Rumonge, sont dans les mains de la police de Rumonge depuis ce jeudi matin. Ils sont tous soupçonnés d'avoir tué leur confrère dont le corps a été retrouvé flottant sur les eaux du lac Tanganyika ce jeudi matin. Selon le chef de colline de Rutumo, il est avec Jean-Pierre Misako. L'arrestation de ces deux pêcheurs est intervenue vers 7h du matin de ce jeudi par le comité mixte de sécurité humaine opérant sur la colline Rutumo, selon des informations obtenu des témoins oculaires et confirmé par l'administration locale. Frédéric Singhibakira, chef collinaire de Rutumo, dit que ce comité s'est rendu sur terrain après avoir reçu des informations selon lesquelles un corps d'un homme flottait sur les eaux du lac Tanganyika à la plage de pêche de Rutumo. Arrivés sur terrain, trois pêcheurs veillant sur leur bateau de pêche ont déclaré que le défunt est un pêcheur lui aussi veillant sur son bateau de pêche. Ils ont dit l'avoir vu rentrer vers 18h de son mercredi et dans un état d'ébriété. La victime serait montée dormir dans un bateau de pêche autre que celui où il montait la garde, selon ses témoins. Quelque temps après, deux pêcheurs montant la garde à son bateau où était montée la victime seraient arrivés eux aussi dans un état d'ébriété et auraient commencé à se quereller avec la victime, l'obligeant de quitter et aller dormir dans son bateau de pêche. Ces témoins disent avoir calmé la situation et vers 20h, la situation semblait être calme. C'est ce jeudi matin que le corps du pêcheur qui s'était trompé de bateau de pêche a été retrouvé flottant sur les eaux du lac Tanganyika, ce qui a conduit à l'arrestation de ces deux pêcheurs pour des raisons d'enquête. Et un officier de police judiciaire était déjà sur place à 10h du matin de ce jeudi, selon le chef collinaire de Rutumo, Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Marcela qui vient de nous capter en cours de route. Voici le rappel des titres. L'armée burundaise rejette la demande de l'OSOM de 1041 militaires pour la stabilisation de la Somalie. Indique que le Burundi ne participera pas sans que l'on accepte deux bataillons. Explique le porte-parole de la FDN, général de brigade Gaspard Baratouza. Toutes les candidatures du Parti Congrès National pour la Liberté et celles de la coalition des partis politiques Burundi-Gabose pour les élections des députés de 2025 ont été rejetées par la Commission électorale nationale indépendante. La violation du code électoral en ce qui est notamment du respect des équilibres ethniques genre étant l'une des raisons qui ont motivé cette décision. Une enveloppe de 997 millions de francs burundais a été débloqué et donné aux agriculteurs des communes Kabarore et Muruta. Nous sommes dans la province de Kayanza depuis ce lundi comme prime sur la production du thé vendu au complexe agricole de Guigura. Certains de ces agriculteurs disent qu'ils sont beaucoup intéressés malgré qu'il y a ceux qui ont déjà détruit leur plantation agricole. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Albert Ndoa pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomananga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.